l'histoire. Ça devait arriver. Depuis tant que je suis promu à l'espoir. Ça devait arriver. Comme si ça devait péter soi. Ça devait arriver. C'est un bonheur que je marche prémonitoire. Ça devait arriver. Leur connerie l'ont promu à l'histoire. Ça devait arriver. Depuis tant que je suis promu à l'espoir. Ça devait arriver. Comme si ça devait péter soi. C'est déjà arrivé. Mais t'as rien vu venir. Depuis le temps qu'on prévient sans rien soutenir. Change, je suis le phénomène pour pas que la suite meure. Remonte la ligne de mire pour savoir qui me vise, qui me brise et que je veux partir. J'ai mis le barreau haut pour qu'on jouisse sur l'album numéro 1 avec plein plein. Vrai, on sait que l'argent se fait sans blabla. Qui s'apprête à laisser passer ma convoi. Exceptionnel, du front t'as eu plein de nouvelles. Sur fond de pétage de plomb en dièse cruel. Avec le mal qu'on a à décoller d'ici, j'ai déjà vendu une aile. Valider mon truc pêle-mêle, comme ma vie de nègre maigre. Avant que leur connerie s'annule d'elle-même. Tellement nourrie par l'incompétence de ce bled. Pour me satisfaire, je dois violer quelques lois. Comme toi, toi et celui qui les invente. CFD monte son fait kiffer les envois. Sale dans un choix risqué comme faire confiance à un nègre. Mais nécessaire comme si t'avais plus le choix. Ça devait arriver comme cette justice qu'on attend toujours. Et même en sachant que la maille n'aime pas l'amour. J'ai mis le style sur orbite afin que les cœurs battent pour longtemps. Longtemps, là ça reparle de rap au lieu de pourcent. Sans stress comme ce jour sans cycle de jure. Forçant comme une galère sans cèpe. Je remercie Dieu de m'en avoir laissé le temps. Et s'il veut bien mat comment. Je reviens à l'aise comme ces conneries de l'histoire. Vous dire ou vider les tiroirs, hey.